será só no body. Anche sta sera sono fuori. Anche sta sera sono fuori. Che voi sono fuori. Anche sta sera sono fuori. Pezzi nuovi. Tu rinchiuso in casa, la tua tipa fuori. Ingoia pure l'anima e ci limoni. Fumiamo fino a scoppiare i polmoni. Non muovere la testa, non hai capito. Sono sincero, troppo sincero. Li dà fastidio. In mano ho il potere perché te sto ho l'archivio. Il giorno farai successo, socio resta positivo. On va pas sampler Pokémon juste pour faire plaisir à ces faux garçons. Hey. T'emporte mais vous rappez pas trop comme des garçons. Hey. Je vous écoute à peine comme un pardon. Je suis un Rital, le tag est rude. Moi j'ai pas peur de prendre un carton. Et toi tu sors du lycée direct par de charbon. T'es refoulé même ta vague de tes potes. Gros t'es un vélo en carton. Et je peux pas me gicap. Ces actions sont amovibles comme action man. Me provoque un rire puis de la peine. Un fou rire j'endors pas de la semaine. Un sac ça contrôle sa mère. J'avais pas mis dans la semaine. Voilà t'as un bel fume inter. De semi je vois la scène. Parle pas trop chine ça se sent. Laisse le temps faire tout ce c'est. Les notions faut que tu les saignes. Oh, Lyon, Zon, le King. Grosso des colis. Hey. Le genre de colis qui faut coller. J'aime pas l'alcool. J'suis dans la suite, j'suis dans la troca. Tu connais la colis. Lina, femme, là, c'est pas ta femme. Examine la ligne. C'est au-dessus de ma chair que j'vole. Hey. J'vois le bien, le mal. C'est mes coches qui contrôlent la salle. Falle à balle. C'est sur du nina que ma falle. Que le marron ou la verte, il s'avère que j'ai les deux. Après qu'elle ait fini son flash, sèche, tu te feras pas mon feu. Et je suis pas de ceux qui trahissent leurs potes pour une paire de seufs. J'ai pas besoin de ça. Dans sa chatte, je sors, je ferai pas que du sale. C'est entretenu. Elle fait des squats. J'suis à la salle ou dans le squat. Les gars m'appellent